croiserait des gens inconnus, où les lieux importants n'auraient pas lieu d'importer. Les arrêts du tramway seraient plus farfelus, les stations du métro seraient décontractées. En fait, ce monde, je le peins. Je fais quelques découps. Tous les soirs, tous les matins, j'améliore le parcours. Citoyens urbanisés, ne soyez plus terre à terre. Dans le tram-tram quotidien, voici mon itinéraire. L'arrêt Novation vient d'être en service. L'arrêt Citation, je le connais par cœur. L'arrêt Gression et hors service. L'arrêt Création, on atteint un quart d'heure. L'arrêt Gym, pour garder la ligne. L'arrêt Référendum, pour un oui, pour un non. L'arrêt Férence, c'est la star de la ligne. La réputation s'est fait un renom. En fait, ce monde, je le peins. Je fais quelques détours. Tous les soirs, tous les matins, j'améliore le parcours. Citoyens urbanisés, ne soyez plus terre à terre. Dans le tram-tram quotidien, voici mon itinéraire. L'arrêt Midofa, c'est du haut de gamme. L'arrêt Laissé, à côté du ciné. L'arrêt Simila, me l'ont pas accordé. L'arrêt Verbère, y a pas mal d'allumés. L'arrêt Chauffé, c'est du déjà vu. La résidence, y a pas mal de jeunes. La retraite, y a pas mal de vieux. La réunion, on voit toujours les mêmes. En fait, ce monde, je le peins. Je fais quelques détours. Tous les soirs, tous les matins, j'améliore le parcours. Citoyens urbanisés, ne soyez plus terre à terre. Dans le tram-tram quotidien, voici mon itinéraire. L'arrêt Proviseur, il est obligatoire. L'arrêt Action, man, c'est le plus fort. L'arrêt du curé n'est pas fréquentable. L'arrêt Curance, 20 fois par jour. L'arrêt Station, on se fait contrôler. L'arrêt Glement, tension. L'arrêt Barbatif, il s'est fait raser. La révolution, il manque des pavés. Citoyens urbanisés, j'ai fini mon trajet, j'ai proposé mon projet à la RATP. Et pour le dernier arrêt, j'avais pensé à Tétou. Ils m'ont dit arrêtez tout, je me suis tué. T'auras tenté. En fait, ce monde, je le plains de ne pas faire de détour. Tous les soirs, tous les matins, pratiquer le même parcours. Citoyens urbanisés, ne soyez plus terre à terre. Dans le train-train quotidien, je rêve de mon itinéraire.